Un enfant nouveau-né reçoit de sa marraine, une fée authentique, le moyen de choisir l'écoulement des jours par un fil de laine qu'il peut, en le tirant, contrôler à loisir. Lassé des biberons et des couches humides, il actionne le fil pour vite devenir un petit écolier boutonneux et timide, libéré du landau, bien aise de courir. Les devoirs me pèsent, les leçons me fatiguent, marmonne le gamin au sortir de la classe. Avançons dans le temps, que les études passent, que viennent les amours, les passions, les intrigues. Sorti de l'âge ingrat, notre homme se marie. À son tour, il pouponne, se réveille la nuit. Que mon enfant grandisse, il me gâche la vie. Tirons sur le cordon, vive le temps qui fuit. Du travail épuisant, je dois me libérer. Avançons vers le temps béni de la retraite. Au diable le patron, le réveil, le métier. Courons vers les loisirs, les voyages et les fêtes. Mais voici que tirant trop fort sur la ficelle, celle-ci vint à rompre, et notre enfant gâté, plus vite que prévu, connaît l'issue mortelle. De sa vie, en 6 mois, il n'a guère profité. Sachez que dans la fuite, il n'est point de salut. Triompher des épreuves, voilà la récompense. À trop vouloir courir, sans souci du vécu, on oublie le bonheur, préférant l'espérance. Cultiver l'avenir voit le temps abrégé. Distiller le présent produit l'éternité.